simplement toi-même. Tout simplement je t'aime. Naturellement heureuse, naturellement amoureuse. Tout simplement toi-même. Tout simplement je t'aime. Naturellement heureuse, naturellement amoureuse. Mon amour, ma tendresse, ma vie. Je t'aime passionnément ma chérie. Tu es ma plus belle mélodie. Mon amour, profitons des moments de bonheur. Car notre amour représente, représente l'avenir. Tous les deux, on ouvre des papillons de bonheur. Simplement toi-même, tout simplement je t'aime. Naturellement heureuse, naturellement amoureuse. Tout simplement toi-même, tout simplement je t'aime. Naturellement heureuse, naturellement amoureuse. Comme un rayon du soleil qui illumine mes jours et qui mes nuits. Mon amour, tu fais mon bonheur. Ton charme met en veille. Ton sourire me donne le bonheur. Qui fait briller les étoiles à minuit. Je ne peux même pas imaginer la vie sans toi. Simplement toi-même, tout simplement je t'aime. Naturellement heureuse, naturellement amoureuse. Tout simplement toi-même, tout simplement je t'aime. Naturellement heureuse, naturellement amoureuse. Millio, le beatmaker.